Vous écoutez Une fille, un podcast, et c'est le TAT numéro 3. Bonne écoute. Alors, bienvenue à Une fille, un podcast. Un tête-à-tête, c'est quoi? C'est simplement Une fille, un podcast qui n'est plus toute seule, mais qui est avec quelqu'un, un invité. On va retrouver donc cette fois-ci Jonathan. Jonathan qu'on retrouve dans Voyagecast et Intro Podcast. Et donc ça, ce sera pour la deuxième partie. La première partie, vous le savez, c'est toujours celle où je viens vous parler seule à seule. Moi, toute seule dans vos oreilles. Et la deuxième partie, eh bien, je vous fais écouter notre conversation. Le sujet, ben, il est récurrent, hein, c'est toujours le même, le podcast. Donc, ce qu'on a aimé, ce qu'on a écouté et ce qu'on a envie de partager. Voilà, c'est simple. On parle de ça et puis si ça dévie, ça dévie. Et pour ceux qui auraient envie de retrouver que Jonathan, rendez-vous dans un quart d'heure, vous passez le quart d'heure qui arrive, et voilà. Donc avant de vous diffuser l'échange que j'ai eu comme ça avec Joe, je vais commencer bien sûr par la traditionnelle rubrique Lèche-cul. Alors, tiens, je vais changer un petit peu, je vais pas forcément remercier ou faire un clin d'œil à ceux qui sont venus discuter avec moi sur Twitter, ou ceux qui... Bon, laissez des commentaires ou autre. Non, aujourd'hui, je vais la faire pour ceux qui... Et ceux que je vois en IRL, en fait. Alors, il faut quand même que je précise quelque chose. Le podcast, c'est quelque chose dont je ne parle pas dans ma vie courante. Non seulement je parle pas de podcast, mais en plus je dis pas non plus que je fais du podcast. Parce que j'ai bien compris en fait qu'au début quand j'ai essayé, j'étais une extraterrestre. Donc je vous avoue, je suis un peu blasée, je reste dans mon coin. À ce niveau-là, voilà, j'arrête d'échanger là-dessus. Mais j'ai sûrement tort, hein, mais je trouve ça fatigant quoi. D'avoir à justifier sur juste quelque chose qu'on aime bien faire, c'est fatigant. Donc quand parfois, je suis dans une soirée et que j'ai un copain ou une copine qui vient me dire « Hey, je t'ai écouté !» Je reste toujours quand même un peu scotchée parce que vu que j'en parle pas, je pense qu'ils doivent s'échanger des infos dans mon dos quand je suis pas là. Mais c'est pas grave, si c'est des infos comme ça, ça me gêne pas. Donc, mention spéciale pour les filles. Alors, salut à Caro et Juju et Dominique. Bisous à Marilyn et Jérôme, mon petit couple d'enfer que je kiffe. Moi, je sais pas si j'ai fait le tour, mais je trouve ça vraiment bluffant. Et figurez-vous qu'en plus, c'est très intimidant à ce moment-là, parce qu'on a l'impression d'être à poil devant la personne quand elle nous sort. Au fait, je t'écoute. Et je sais plus quoi dire. Oui, moi, je sais plus quoi dire. Je reste sans voix. Vous y croyez ça? Voilà. Et je fais aussi un gros bisou à Nico qui peut-être un jour écoutera, on sait jamais. Voilà, même double gros bisou. On va passer donc maintenant à l'épisode d'aujourd'hui. Donc on a parlé la dernière fois de surtout la structure et la durée d'un podcast. Et puis c'est un échange qu'on a eu avec Jonathan sur lequel on n'est absolument pas d'accord. Mais on s'en fout. Moi c'est ça que j'aime bien. Donc on avait fait un test, enfin lui il le savait pas, hein, en l'occurrence c'est moi qui avais prévu le truc. Je lui avais donc soumis un plan que j'avais préparé, il l'avait donc lu, lui de son côté l'avait préparé aussi également. Et bon voilà quoi, l'épisode s'est passé. Honnêtement, hein, c'est vraiment pas mon truc quoi. Mais voilà, je le fais parce que moi ce que j'aime c'est vraiment tester, je crois que je l'ai déjà dit mais c'est pas grave. Et donc, quand on a eu fini d'enregistrer et qu'on a coupé les micros, je lui ai dit, bah écoute, voilà, maintenant, on se le refait, quoi. On se le refait, mais à ma façon. Donc, on a relancé l'enregistrement et on y est allé comme ça au feeling. Alors, il y a quand même une chose que je lui accorde. C'est OK pour le départ, les 2-3 minutes de départ, je sais pas. OK, ça, je lui accorde le point là. Je pense que je peux progresser là-dessus. Après, pour le reste, ben je crois que tout simplement... ça me correspond pas quoi, c'est pas moi, donc je vais pas me mettre à faire quelque chose qui me ressemble pas. Donc je vais vous laisser écouter le TAT numéro 3, vous jugerez par vous-même hein, si ça vous convient, si ça vous convient pas. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein. Ça ne, je suis pas fermée, j'ai pas encore. Faut que ça mûrisse tout ça, voilà. Bon, de toute manière, vous avez bien remarqué, si vous m'avez écouté depuis quelques épisodes, que je suis pas bloquée dans un schéma précis. Donc ça, c'est pour la structure. Pour la durée, ben, je dirais que. Et des fois, c'est bon quand ça, quand c'est court, et il y a des fois, c'est bon quand c'est long dans le temps. Donc voilà. En fait, ce qui est cool, c'est que du coup, comme la partie où on est deux est courte, je peux prendre plein de temps pour vous parler seul à seul. Je vais dévier un petit peu, hein, mais je suis allée voir sur Internet l'intérêt de faire quelque chose de moins de 45 minutes. Je me suis dit, si on se concentre sur cette durée, c'est qu'il y a une raison. Donc, je suis allée voir un petit peu de combien de temps disposait l'être humain dans une heure pour être vraiment concentré, quoi. Apparemment, nous sommes capables de nous concentrer entre 20 et 40 minutes pour les meilleurs d'entre nous. 20 minutes seulement dans une heure. Ça fait quand même pas grand-chose. Bon, alors, ça, c'est sûrement pour les contenus qui sont quand même assez denses, qui sont riches, hein, qui demandent un petit peu de réflexion. Voilà. Donc pour moi, ça s'applique pas. C'est bon. Je pense que j'utilise des mots qui ne sont pas trop complexes. Je viens raconter ma vie et je blabla sur des conneries. Il n'y a pas besoin d'être concentré pour m'écouter. Donc, est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce que j'ai besoin d'en tenir compte ou pas? Ben, moi, ouais, je sais pas. Quelqu'un m'a dit la dernière fois dans un commentaire que j'étais facile à écouter. Alors, j'ai envie un petit peu de me moquer, mais quand on dit ça à une fille, sérieux, quelqu'un qui vient de dire « Ah, t'es facile à écouter quand même. » Ouais, ok, je vais peut-être mal le prendre, hein. Mais comme je suis de bonne composition, je l'ai bien pris et j'ai tout à fait compris ce qu'il voulait dire. Mais voilà, donc je suis facile à écouter. Quoi d'autre? Ah ouais, je suis allée voir aussi un truc qui concernait justement, pas forcément le temps de concentration, mais le laps de temps qu'on donnait à une info pour la juger pertinente ou pas. Eh bien, figurez-vous que sur l'étude, bon, je parle de l'étude après, je vous donne d'abord le résultat, apparemment, on y accorde 8 secondes seulement pour juger si c'est pertinent ou pas. Enfin, ça reste quand même super light, quoi, 8 secondes. En sachant que le temps de concentration d'un poisson rouge est de 9 secondes. Et quand j'ai regardé cette étude, je me suis marrée toute seule. Parce que bon, après, il faut regarder ça avec du recul. Ça reste une enquête qui a été faite et qui est diffusée sur Internet. On ne sait pas trop d'où ça vient. C'est marrant. Mais voilà. Bon, apparemment, c'était une étude. Alors, sur des jeunes. Des jeunes. Oh, ok. Ça veut dire quoi? Rien, tout, n'importe quoi. 2000 personnes, ok, 2000, hein, la gueule du panel représentatif, 2000. Ouais, vous pouvez me rappeler combien on est sur la planète? D'accord, ouais, 2000, 2000 les représentatifs. Admettons. Bon, allez, j'arrête, je troll, c'est pas sympa. Mais ouais, voilà, ça m'a juste fait marrer. Bien sûr, les jeunes étaient mis en cause, hein. Oh là là, les mauvais jeunes qui n'ont pas de cerveau, qui sont complètement obnubilés par leurs tablettes, leurs écrans, etc., et leurs téléphones, et surtout qui ne savent plus réfléchir, voilà. Hein. C'est rigolo parce que déjà jeune, je crois franchement que je sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis en plus. Enfin, je crois qu'on disait déjà ça de moi quand j'étais jeune. Donc, ce qui n'inclut pas que je suis vieille, ok, hein, faites pas des raccourcis. Qu'est-ce que je disais? On dit ça des jeunes aujourd'hui. Nos parents disaient ça de nous. Et je pense que nos grands-parents disaient ça aussi. Est-ce qu'on dit autre chose que ça? Est-ce qu'on a des fois conscience qu'on se répète? Et est-ce que franchement, on trouve toujours que notre génération est meilleure que celle qui arrive? Bon, je retourne dans mon bocal et je vais accorder 8 secondes à la prochaine info qui va me passer sous les yeux, puisqu'apparemment on est un peu con quand même. Eh, d'ailleurs, je me demande en fait si les médias tiennent compte de ce genre de recherche complètement foireuse. Bah ouais, est-ce que la personne qui va diffuser l'info, un journaliste ou je ne sais pas quoi, ou une chaîne de télé, va se dire, est-ce que je parle à des humains qui ont un cerveau ou est-ce que simplement je parle à des poissons rouges? Et dans ce cas-là, il n'est peut-être pas étonnant que ce qu'on voit à la télé, ce soit de la soupe pré-mâchée. Parce que finalement, c'est peut-être que c'est ce qu'ils pensent de nous. En fait, c'est un serpent qui se mord la queue, quoi. On n'arrivera jamais à avoir quelque chose d'intéressant si on est tout le temps en train de de creuser vers le fond, quoi. Bon, enfin bref. Je suis déviée là, hein. Je me suis perdue. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que je disais? Eh ben que ouais. Que je vais prendre le temps qu'il me faut, le temps que je veux, et le temps qui est bon, le feeling que j'ai dans un épisode. À partir du moment où j'appuie sur le bouton enregistrer, eh bien, je lance l'enregistrement. Et si la personne qui vient avec moi, elle a un bon feeling et qu'elle a envie de discuter, eh ben, si ça dure 3 quarts d'heure, ça dure 3 quarts d'heure. Et si ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. Et moi, c'est ce que j'aime. Notre vie est tellement délimitée par justement cette question de temps. On accorde un temps pour ça, un temps pour ça, un autre temps pour ça. Tout est rangé dans un temps imparti. Alors, laissons-nous cette liberté, justement, dans le podcast, de ne pas en avoir. Et je comprends et je le conçois que pour la personne qui écoute, ça puisse être déconcertant. Mais voilà. C'est un plaisir pour moi de pouvoir appuyer sur la touche enregistrer et de pas me limiter. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, j'en ai même rajouté, enfin bon voilà. Concentrons-nous sur le plaisir, sur le feeling et je dirais que le reste il se fait tout seul. Je vous laisse écouter donc ce qui va arriver. Une toute petite parenthèse, j'ai fait l'effort d'aller écouter les podcasts en anglais que me conseillait Jonathan. Vous entendrez de quoi il parle après. Effectivement, ça valait le coup de faire l'effort. C'est tout à fait à ma portée. Alors, je ne sais pas juger de mon niveau d'anglais, mais en tout cas, effectivement, j'ai réussi à les suivre jusqu'au bout. Donc, ouais, faites l'effort. Je pensais que je ne pouvais pas, et effectivement, c'est propre et compréhensible. Et puis, un super, super coup de cœur pour Lobe Frontal qu'on présente à la fin de cet épisode. Avec la petite Lily. Effectivement, je rejoins Jonathan là-dessus et donc on va être d'accord. J'ai adoré, j'en ai écouté un, du coup j'en ai écouté deux, du coup j'en ai écouté trois et du coup voilà, je crois que j'en ai écouté quatre et que je vais rattraper mon retard, c'est vraiment top. La petite Lily qu'on retrouve dans les épisodes est juste géniale. Le rapport qu'on entend entre le père et la fille, c'est un coup de cœur complet pour moi. Et du coup, on ne sait jamais, Lily, si tu entends ça, sache que continue comme ça. Et puis, ça fait plaisir en fait de retrouver toute la naïveté d'un enfant et en même temps toute la curiosité et puis le bon sens aussi. Et donc, voilà, c'est juste génialissime. Pour ceux qui n'ont pas découvert, allez vraiment faire un tour, juste parce qu'on n'entend pas ça tout le temps. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une petite suggestion. Pour ceux qui aiment ce genre d'échange, vous avez un podcast qui s'appelle Papa et Lily, où vous avez donc deux générations qui se parlent de manga, d'animé manga. Et ça, c'est pas mal aussi à écouter. Je vous mettrai le lien dans l'article Papa et Lily, le podcast. Voilà, je vous laisse écouter tout ça. Je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez envie de venir discuter de ce que je viens de dire, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez juste envie de me faire un petit coucou, c'est sur Twitter à @kikrine, KIKRINE. Vous me retrouvez également dans les commentaires de l'article sur PodCloud. Voilà. Je vous dis à la prochaine et tout de suite, c'est le TAT numéro 3. Ciao! Ok, donc c'est quand tu veux, comme tu veux, ça fonctionne chez moi, donc voilà. C'est parti. Salut Jonathan. Salut Karine. Alors, tu reviens par ici pour un épisode spécial sans, sans plan, ouf. Sans... Alors, comment ça s'appelle déjà ce truc-là que j'arrive conducteur. Pas à... Conducteur. Sans conducteur, ouais, j'arrive pas à le faire. J'arrive pas à le faire bien en tout cas. Pas grave. Ouais, donc du coup là, on se le refait. On s'en refait un en tout cas, comme ça. Et on voit où ça va. Ben, oui, dans l'absolu, oui, bien sûr. Après, est-ce qu'il y aura des choses intéressantes dedans? Je sais pas, mais en tout cas, on peut tester, ouais. Bon, comme ici, on vient parler de podcast, et ben, ah, encore savoir... de podcast. C'est un peu le thème du podcast, quoi. Vas-y, moi, je veux savoir ce que t'as écouté cette semaine. Oh, j'en écoute beaucoup. Eh ben, justement, c'est ça qui m'intéresse. Alors, en principe, le lundi... Puisque je suis organisé dans mon écoute de podcast, fous-toi ah ouais, de ma super. Gueule. Non, c'est super, super, vas-y. Alors, le lundi, en principe, j'écoute This Week in Tech, donc il y a un podcast américain en anglais qui parle de la tech, hein, étrangement. Qui parle anglais, hein, bien exactement. Sûr, pour les gens bilingues alors, hein. Ouais, mais ceci dit, il parle très bien. Les enregistrements, en principe, sont de très bonne qualité. C'est Léo Laporte, hein, qui est une star du podcast, étant donné que c'est un des mecs qui gagne beaucoup d'argent en faisant du podcast, qui a lancé son network, justement. Parce que t'as This Weekend, This Week in Google, in Android, in je sais pas quoi. Et c'est très très bon, et notamment parce que ses invités sont excellents. Moi, j'aime beaucoup, en fait, les podcasts, souvent je les écoute encore plus quand il y a des invités, parce que c'est eux qui apportent vraiment une richesse à l'émission. Et il a des invités qui sont vraiment exceptionnels, tu vois, des gens qui travaillent chez Fortune, dans des grands journaux, dans des grands trucs tech, dans des grands blogs, etc. Donc des gens qui sont... pointus dans leur domaine. Ouais, voilà, exactement, qui sont légitimes, quoi, de ce qu'ils parlent. Donc ça, c'est en tout cas un des podcasts que j'écoute le lundi. D'accord. Mais ceci dit, c'est un excellent moyen d'apprendre l'anglais. Hein. Ok. Donc ça, c'est le lundi. Voilà. Enfin, ça ne te prend pas tout le lundi. Ben, c'est quand même des podcasts qui durent plus de 3 heures. Hein, enfin, en tout cas, plus ah, de 2 heures. Hein. Donc c'est un très long podcast, quoi. Ok. Donc en fait, tu arrives à écouter ça au boulot? Non, pas toujours. Ouais, parce que j'imagine que déjà le fait que ce soit dans une langue qui ne soit pas ta langue maternelle, ça doit te demander un minimum de concentration. Ouais, un petit peu, ouais. Donc il faut que tu sois sur une tâche qui soit pas qui te demande pas non plus encore de la concentration. Tu peux pas en mettre partout, quoi. Non, mais j'écoute beaucoup quand je suis dans le train, moi, de toute façon, et encore plus quand je voyage. Donc je fais 2 heures de train par jour à peu près, donc ça suffit pour lundi, tu vois, hein, largement. D'accord, ok. Alors, le mardi? Le mardi, souvent, c'est Niptech, donc un podcast suisse, c'est pour ça qu'il est bien. non, pas du tout, mais c'est vraiment un très bon podcast, aussi tech, mais qui s'intéresse surtout aux startups et aux... vraiment ce qui va se passer dans le futur, avec Benoît Cœurdy, qui est un mec que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très très bon en fait. Et Michael qui est très bon aussi, qui fait Nipsales aussi. Alors Nipsales, c'est une semaine sur deux, je crois. Qui, donc parfois j'écoute le lundi ou le mardi parce qu'il sort le dimanche. D'accord, ok. Ouais, mais, c'est régulier comme ça. C'est, donc, j'écoute beaucoup de podcasts qui sont réguliers. Les podcasts qui sont totalement réguliers, ça. Je finis par les oublier. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai plus envie de les écouter parce que je me souviens plus de quoi ils parlent, je sais plus qui parle. J'aime bien les trucs, en tout cas, qui sortent toutes les 2 semaines. Quoi. Toutes les semaines, c'est chaud pour avoir du contenu de qualité, hein, mais toutes les 2 semaines, je trouve que c'est un... C'est un bon rythme. Ouais. Je pense que ça, par contre, c'est quelque chose qui est important, c'est la régularité. Ah ben oui, tout à fait. Et puis, ouais, parce qu'en fait, les gens ont comme un espèce de rendez-vous. Moi, j'en ai comme ça aussi, où c'est tel jour, je sais qu'il y a ça. C'est ça. Je sais qu'il y a ça qui sort tel jour, donc je l'attends, même si je ne vais peut-être pas forcément l'écouter directement, je sais qu'il y en a eu un, quoi. Donc, il m'attend, il est là, et ouais. Le rendez-vous. Tu prends un rendez-vous avec ton podcasteur, ça, c'est cool, j'aime bien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc, le redivoire, Niptech. Niptech, voilà. Et une semaine sur deux, Nipsales, donc, qui est un podcast qui n'est pas sur la tech, qui est sur la vente, en fait. Ouais. Donc, c'est Michael et je ne me rappelle plus comment il s'appelle, son, son acolyte avec lui, et il parle vraiment de vente, de marketing, etc. Et je suis pas dans la vente ni dans le marketing. Par contre, je trouve que il y a beaucoup d'idées ou une façon de parler qui est intéressante quand tu dois ensuite parler en public ou etc. Enfin, je De trouve que toute c'est pour moi c'est manière, très instructif en fait. ouais, tout ce qui est contact avec la personne, dans la vente ou choses comme ça, la plupart du temps, en fait, il y a toujours un point commun, c'est la communication entre les personnes. Exactement. Et ils parlent beaucoup de communication, justement. Ils parlent beaucoup de leur expérience personnelle aussi, dans leur travail, justement, les trucs qui ont marché, les stratégies qui n'ont pas fonctionné, etc. Et moi, je trouve ça très instructif. C'est un milieu qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas forcément d'y travailler, mais c'est intéressant. Et en attendant, on fait du podcast, on parle à un public, on a parfois des contacts avec des journalistes ou on fait des interviews, etc. Donc on vend pas quelque chose, on cherche pas forcément à faire de l'argent avec, donc je sais pas vraiment si c'est du marketing, mais il y en a quand même dans ce Ça qu'on peut fait à quelque part, quoi. ouais, ça peut t'influencer. Voilà. Donc je Non, trouve mais très de toute instructif. manière, je dirais que dès l'instant qu'il y a un contenu intéressant quelque part, tu peux toujours le transposer pour telle ou telle application dans ta vie, quoi. C'est ça. Voilà, même si tu fais pas de sport, par exemple, tu peux très bien écouter un coach sportif qui va Alors le te sport, donner ça c'est un des truc. indications. Non, mais pas forcément un truc sur le sport où on débat du dernier match de foot. Un truc sur J'espère bien, pas de foot. comment toi faire du sport pour toi, pour ta santé, pour des choses comme ça. C'est pas forcément quelque chose qui est dans mes priorités ou quoi. Mais tu peux facilement transposer cette espèce de rythme ou cette espèce de, comment je dirais, de rigueur pour ta vie personnelle, pour d'autres choses. Tout à fait. Voilà, donc c'est comme ça, ce que tu dis là, la vente, le marketing, le commerce, même le management. Tout ça, en fait, c'est des relations entre les hommes, et du coup, ça peut être ça rejoint toujours la communication, en fait, quasiment tout le Exactement. temps, quoi. Et un petit peu, hein, de façon de manipuler aussi. Aussi. Ouais, tu peux un peu connaître les leviers pour agir de telle ou telle façon pour susciter telle ou telle réaction avec une personne, quoi. Aussi, ouais. Voilà. Et du coup, eh ben, tu vois, je vais aller les écouter, juste pour ça. Juste pour te faire le plaisir d'en mettre un extrait, puisque tu me dis que ça vaut le détour. Bon, on s'écoute ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Nip Sales. Et oui, Nip Sales, vous savez ce que c'est un podcast de la famille Nipcast et on parle de vente, de communication et de retail. J'ai switché les deux, ceux qui savaient s'en seront rendus compte. En tout cas, ça fait très plaisir d'être là. Je crois que Mike, tu voulais balancer des tips and tricks pour faire un bon meeting. Et ça, c'est un autre sujet qui m'intéresse énormément. Une chose aussi que j'ai vu avec le temps, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose de négatif, on a tendance à vouloir y répondre au lieu d'écouter. On a tendance à se dire, et en fait, ce qui se passe dans C'est ces juste. meetings de vente, c'est qu'il faut pas vouloir répondre à la personne. Il faut juste écouter leur plainte. Et ça, c'était encore mon chef de démonstration qui m'avait appris en me disant, ne leur réponds pas, écoute juste ce qu'ils ont à dire. Et puis voilà, prends note, et puis voilà. Alors on vous dit à dans un mois. Ciao, ciao! Et vendez bien, salut. Le mercredi, t'écoutes quoi? Alors le mercredi, tout d'un coup, je suis plus sûr si c'est le mercredi, parce qu'après, en fait, les premiers jours de la semaine sont plus tôt, puis après, c'est un petit peu ce que je veux. Ouais, bah ouais, heureusement, parce que tu me faisais peur là. Hein, non, ils sortent ces jours-là, donc je les écoute dès qu'ils sortent, en fait. Et c'est vrai que comme Ok. c'est des podcasts tech, c'est important de les écouter le jour de la sortie, parce que si je les écoute 3 semaines après, ils seront plus forcément d'actualité, tu vois. Donc Ouais, d'accord. c'est aussi pour ça que je m'en sers comme veille, en fait. Donc le mercredi, je crois que c'est ou le rendez-vous jeu, ou le rendez-vous tech. Donc un rendez-vous, c'est toujours Patrick Béja en fait. Une fois c'est sur le jeu vidéo, hein, forcément, et une fois c'est sur la tech, forcément. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, c'est ma première inspiration pour le podcast, c'est grâce à lui que j'ai commencé du podcast, donc pour moi c'est clairement un des meilleurs et un de ceux qui ont suscité d'ailleurs le plus d'envie. Enfin, beaucoup de gens qui font du podcast aujourd'hui ont commencé à faire du podcast et ont su ce que c'était du podcast grâce à lui, donc voilà. D'accord. Quoi. Pas toi, hein, mais. J'entends comme un espèce de grand respect pour ce monsieur. Totalement. D'accord. Ok. Allez, on continue puisque je ne sais pas par quel hasard on est arrivé sur les jours de ta semaine, mais je trouve que c'est plutôt une bonne structure, donc on va continuer comme ça. Ouais, alors après les autres jours. Jeudi. Alors, jeudi, je ne sais pas vraiment, parce qu'après, ça se mélange beaucoup, et certains, je sais pas, je vais te les faire du coup par ordre alphabétique, du coup, de mon downcast. Il te faut toujours un ordre, c'est plus fort que Mais toi, parce quoi. que si je te les prends en bol, je vais en louper, puis c'est dommage. Ah, mais J'écoute. vas-y au feeling. Non, alors j'écoute 2 heures de perdu, mais du coup, tu vas pas mettre d'extrait parce que tu as déjà parlé d'eux, et c'est parce que tu as parlé d'eux que Putain, j'ai c'est dingue commencé à ça. écouter. Et Alors, c'est pas mal, c'est pas mal. tiens, puisque tu parles de ça, c'est un des épisodes que je n'aime pas du tout. Parce que je trouve que je l'ai mal fait, que je l'ai fait avec Céline, avec qui j'ai vraiment bien rigolé. Et ça vient là, en fait, au milieu d'une grosse déconnade un peu conne. Paf, j'ai posé 2 heures de perdu. Et quand il y a vraiment un podcast que j'aime bien comme ça, eh ben, je trouve en fait que j'ai pas su mettre en valeur le truc Ça va, j'ai pas ressenti ça. Puis en plus de ça, que son que l'épi ouais ben moi j'ai l'impression si que cet t'avais présenté un épisode truc était super pas sérieux, assez ouais, d'accord, ça aurait été bizarre. Mais là, en même temps, il déconne aussi, donc c'est pas, tu vois. Je trouve que l'ensemble global de cet épisode n'est pas flatteur. Et du coup, ouais, voilà. Bon, ça m'a pas empêché de Tiens. me dire, tiens, allons l'écouter, tu vois. Donc. Jérôme aussi en avait parlé. Ouais, voilà. 2 heures de perdu, c'est bien. Bon, Exactement. voilà. Vendredi, oh, la semaine est bientôt Mais après, finie, oui, c'est mais j'en bientôt le écoute week-end, on beaucoup va plus que pouvoir se ça en détendre, on réalité. va pouvoir déconner. Entre deux, etc. Alors, il y a un podcast que je trouve vraiment génial qui s'appelle le Phileas Club, qui est fait par hasard par Patrick Béja aussi, où je trouve que. Alors, il parle de l'actualité une fois par mois avec des gens de partout dans le monde, en fait. Donc, alors, c'est en anglais. Donc il va parler avec quelqu'un qui est au Liban, avec quelqu'un qui est en Allemagne, je sais pas, et lui il est en France. Ils vont parler de l'actualité dans leur pays et de la perception de l'actualité dans les autres pays, en fait. Et je... Ah, oh, ça c'est passionnant, mais Mais pourquoi c'est en Ben, anglais? parce que des gens francophones, tu les trouves pas nécessairement aussi facilement. Et Ben oui, je comprends bien, c'est ça. je lis ça comme ça. Mais tu vois, ça c'est tout à fait le genre de podcast que j'adorerais écouter. Mais Ben, je putain. vais. Ça va me demander une concentration tellement Ouais, forte. mais un par Je suis mois. pas une grosse bille en anglais, mais quand voilà quoi, je vais avoir beaucoup de mal de suivre une conversation Oui, et mais puis. un par mois, ça dure 1 heure. C'est faisable. Ouais, c'est vrai, c'est faisable. C'est faisable. Et ceci dit, c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais ils parlent très bien aussi. Ils parlent pas vite, ils ont un bon son, etc. Donc c'est largement écoutable, même si tu comprends pas forcément tout, parce que c'est très bien fait. Et ce que je trouve génial, c'est que là, on a vraiment l'utilisation du podcast, tu vois, en le rendant mondial, tu vois. Moi, parmi les trucs que j'aimais bien faire sur VoyageCast, c'était justement d'avoir des gens qui sont à différents endroits aux États-Unis, ou d'avoir quelqu'un au Maroc, quelqu'un en Grèce, et moi j'étais en Suisse, ou des trucs comme ça. C'est là où ça prend tout son sens, parce qu'on est sur Internet, donc on est tous proches, il y a juste un câble entre nous, tu vois, façon de parler, hein, bien sûr. Ouais, tout à fait. Et je trouve que c'est génial, et je trouve des fois dommage qu'on le fasse pas assez, tu vois. Alors on commence à voir maintenant des, tu vois, par exemple, Niptech invite de temps en temps Prof du Web, je crois, qui est au Canada. Donc c'est hyper agréable d'avoir des gens comme ça qui sont loin, qui ont du coup d'autres perceptions, d'autres cultures, qui parlent de la même chose. Moi je trouve ça génial, et ouais, c'est là aussi où le podcast prend tout son sens, et on profite vraiment de l'outil Internet, quoi. Oui, c'est clair, mais Internet, en fait, c'est quelque chose, c'est comme un espèce de gros truc où on met tout, voilà, c'est un espèce de mot où on met tout, et je trouve des fois quand on a ces conversations-là avec quelqu'un, en disant je suis allé sur Internet, j'ai l'impression en fait que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la richesse qu'on peut trouver dessus, parce qu'il Et faut ouais. faire un gros tri, quoi, hein. Il faut y aller vraiment à la pelleteuse pour chercher ce qui est bon de ce qui est moins bon. Puis après, ce qui est bon, c'est que mon avis, hein. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde. Mais du coup, ouais, des fois, je trouve ça un peu dommage parce que la plupart du temps, quand tu discutes et que tu dis Internet, c'est presque un peu comme un gros mot. Voilà, t'as mis tout là-dedans, quoi. Et puis, Mais regarde, là, on en avait déjà parlé la dernière fois quand on avait fait notre interview, mais c'est la perception qu'on a de par les médias aussi, tu vois, qui le traite comme une espèce de gros géant, méchant, incompréhensible, etc. Notamment parce que la plupart des journalistes ne le comprennent pas. Exactement. Et alors que, pour moi, Internet, déjà, c'est ce qu'on en fait, hein, parce que, pour une fois, tout ce qu'il y a dedans, c'est nous qui l'avons mis. Et en plus de ça, comme il y a tout, ben, si tu consommes de la merde, c'est que t'en as cherché et que tu l'as consommé, tu vois. C'est-à-dire, les gens qui me disent sur Internet, il n'y a que de la merde, c'est juste eux qui aiment ça, quoi, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui cherche des choses plus intelligentes ou plus, enfin, je sais pas, plus culturelles ou n'importe quoi et qui va dire, mais non, Internet, c'est une mine d'or incroyable, j'ai tellement appris grâce à Internet et je mourrais en apprenant des choses sur Internet. Enfin bref, Phileas, je me suis dit, on était en train de parler de Phileas Club, vraiment, allez l'écouter, ça fait partie des trucs que je soutiens parce que je trouve qu'ils sont importants. D'accord, voilà, allez. Hello everyone and welcome to the Phileas Club. This is the show where we get together every month or so and we discuss the news with people from different parts of the world and different cultures so they can tell you roughly how they saw the news in the past month and maybe provide some kind of different angle from what we're used to. What we're going to do today though is a special episode where we're going to spend a little bit of time with our good friend Turkey and try to figure out things about Saudi Arabia. How's it going, Turkey? Oh, it's doing great here. It's lovely weather. Aren't you lucky? It's getting there, at least. I want to do every once in a while, and I think it should be interesting to try and dive into a little bit of a more personal conversation with individual people to try and explore lives that are a little bit different from the ones that us Westerners are used to, and maybe try to get, at least that's the aim, we'll see how it goes, but try to get a perspective on those countries and cultures that we wouldn't get in traditional media. Eh, on en est un samedi, mais le samedi, tu ne travailles pas, tu n'as pas besoin d'écouter du podcast, tu n'as pas de trajet normalement. Mais ouais, mais je fais la lessive, je vais faire les commissions, je vais me promener, j'écoute des podcasts sincèrement quasiment tout le temps, j'écoute rarement de la musique, si ce n'est jamais. Donc en fait, chaque fois que je fais autre chose, je fais quelque chose auquel j'ai pas besoin de 100% de mon attention, j'écoute des podcasts. C'est pour ça que j'en écoute beaucoup. Alors, je sais pas, le samedi, ouais, peut-être parce que je suis plus détendu et du coup, je peux justement me consacrer à des choses un peu plus complexes. J'irai facilement vers du podcast science, par exemple, dont on a déjà parlé, et scepticisme scientifique de Jean-Michel Abrassard aussi. Très, très bon. Et c'est ça. Et il y en a un autre que j'ai rajouté, je crois, suite à l'écoute de Parlons Balado, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Soif de savoir, qui est aussi un podcast québécois, scientifique, sceptique, plutôt scientifique. Enfin, c'est très sympa à écouter aussi. Et si j'ai pas encore assez avec ça pour mon week-end, un petit coup de Temporium dessus, dont on avait déjà parlé aussi, podcast sur l'histoire, qui est absolument extraordinaire. Et la qualité est au top à tous les niveaux, quoi. Ouais, mais ouais, voilà. Scepticisme scientifique, je l'ai découvert, tu vois, par exemple, par un retour, un commentaire. Sur quelqu'un qui m'a dit, tiens, j'écoute ça, tu trouves ça là, machin. Ça fait partie des choses pour lesquelles, quand tu fais un podcast, quand tu as des retours comme ça, tu dis, ben, tiens, on a ouvert une discussion sur quelque chose. Que la personne, en fait, voilà, c'est ça qui est le plus agréable, pour moi en tout cas, dans le fait de faire ce que je fais, c'est qu'il y a une personne quelque part que je connais pas, que je connaîtrai sûrement jamais, qui va prendre, à mon avis, vu le mail, pas 5 minutes de son temps, mais plus, pour se faire chier à m'expliquer que ça c'est bien, me mettre le lien, m'expliquer pourquoi c'est bien et pourquoi je devrais aller y jeter un œil, et ben voilà quoi. Quelqu'un, quelque part, qui t'accorde un petit peu de son temps, pour moi ça vaut énormément quoi. Ah, c'est assez fou, hein, franchement. Oui, c'est un truc qui est quand même très étrange, quoi. Et du coup, Et du coup, merci à lui. Salut. Salut, je te dis quoi? Je te dis bonjour, voilà. Il faut lui dire qu'il a bon goût aussi. S'il écoute ce podcast-là, il y a de fortes chances qu'il a bon goût. Ouais, il écoute pas que ça parce qu'il m'a donné beaucoup d'aiguillages sur beaucoup de choses. Et ouais, il a bon goût. Mais bon, après, faut que je peux pas non plus aller tout écouter et tout voir. Et puis il y a des choses qui me parlent moins, quoi. Ah oui, clairement. Ouais. Scepticisme scientifique, c'est pas mal. C'est un petit peu varié, hein. Selon les épisodes, on retrouve pas toujours la même qualité de du son ou du contenu. Ouais, le son, c'est le gros problème de Jean-Michel Abrassard. Mais bah, des fois aussi, pour à sa charge, il enregistre des fois dans un café, etc. Et c'est vrai que si t'as pas un petit peu de matériel, le son, voilà. Mais tu fais l'effort. Tu fais l'effort parce que c'est intéressant. Oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Non, ça, parce que ça, c'est, le contenu vaut le coup toujours. Hein. D'ailleurs, je vais faire de la pub. On a fait deux podcasts ensemble, deux épisodes qui vont sortir dans les... Ah ouais ? Ouais. Qui parle justement le premier de scepticisme, vraiment de qu'est-ce que c'est le scepticisme scientifique, et on lui a posé quelques questions dessus, etc. Et le deuxième, on parle du scepticisme dans l'anthropologie, en fait. Donc c'est très spécifique, mais Jean-Michel est vraiment hyper intéressant à écouter et enfin très pertinent. Je trouve que c'était une superbe discussion. Il a bien répondu à nos questions. J'ai beaucoup aimé. Et donc maintenant on est à dimanche. Alors je peux t'en donner. Alors je vais en noter 3 pour dimanche. Oh. Parce que voilà. Et attends. Alors La Sphère, qui est étrangement une émission tech, mais qui est québécoise, qui est fait sur Radio-Canada, donc c'est un podcast non indépendant, enfin je sais pas, d'une vraie radio. Et c'est génial. Ce que j'aime beaucoup chez eux et qu'on retrouve pas forcément dans tous les podcasts tech, c'est qu'ils voient souvent les choses d'un aspect social et humain. Tu vois, la technologie, ils en parlent. Tu vois. Ils vont juste dire, voilà, cette technologie, elle va faire ça et ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui va changer dans la société si ça fonctionne, tu vois. Et finalement, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la technologie, c'est l'évolution que ça fait dans la société. C'est un angle qui est super intéressant. Ouais. Voilà. On va y voir le titre parce que... Ça s'appelle simplement La Sphère. Ah oui, d'accord, ok. La Sphère. Tout simplement. Très bien. Et ça dure combien de temps ? Une heure, parce que c'est une émission radio, c'est très court, il y a beaucoup de sujets qui s'échelonnent et... Et c'est hebdomadaire ? Ouais, exactement. Allez, on écoute La Sphère. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine de culture numérique sur ICI Radio-Canada Première. Mathieu Dugal aux commandes avec sa fidèle équipe composée de Catherine Matisse, Martin Lessard et Fabien Lozac. Bonjour à vous trois. Bonjour Mathieu. Bonjour. Une émission qui sera pas toute consacrée aux questions du féminisme dans les nouvelles technologies parce qu'on voulait pas faire nécessairement un spécial 8 mars. Pourquoi? Ben parce qu'on en parle régulièrement. Hein. Je pense que les questions du féminisme dans la nouvelle technologie, on l'a couvert, pas seulement aujourd'hui, mais quand même, il y avait cette semaine des histoires assez incroyables. Et là, je pense qu'on va faire découvrir des choses à notre auditoire dans les deux cas. Avec Hélène Pao, ce procès-là qui a cours dans la Silicon Valley et quelque chose, et le Gamergate. Et là, ça va être vraiment, on va soulever le voile sur un monde qui n'aime pas tellement avoir les projecteurs, et c'est une sous-culture du jeu vidéo où, il faut quand même le dire, il y a encore énormément de misogynie, mais il y a bien du monde là-dedans qui dit non, c'est pas de la misogynie, c'est juste de l'éthique qu'on veut faire respecter. En tout cas, restez à l'écoute, vous allez voir que c'est une histoire incroyable que celle du Gamergate. Et ben ça y est, on a fini le dimanche. Alors, je vais en citer deux encore. Studio 404, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit quelque chose. Alors, c'est un podcast qui est enregistré en vrai, c'est-à-dire que c'est des vrais gens qui sont en vrai. C'est pas vraiment tech, c'est plus Internet, réseaux sociaux et tout ce que ça change. Alors, c'est pas une radio, mais c'est fait comme de la radio, avec des gens qui ont préparé des textes. Mais d'accord. Ils sont tous pertinents, même si on a le droit de pas être d'accord avec eux, et je suis pas toujours d'accord avec eux, mais c'est super intéressant, c'est super bien fait, ils ont des chroniques, alors là, on parlait de conducteur avant, alors là, c'est vraiment l'émission où le conducteur est très, très, très bien fait. On aime ou on n'aime pas, mais c'est hyper agréable à écouter, quoi. Donc, Studio 404, tout simplement. Studio 404, ok, d'accord. Un tout dernier? je te laisse un tout dernier parce que après on arrive au dimanche soir et on va recommencer au lundi, donc non, c'est bon, on a fait la semaine et c'est impeccable. Alors, dimanche soir, t'écoutes quoi? Alors c'est un aussi qui sort une fois par mois qui s'appelle Lobe Frontal. C'est donc docteur Dominique Garand qui est génial et c'est sur la médecine et la pratique de la médecine, mais au Québec. Des fois, c'est marrant parce que tu te passionnes pour des trucs. Honnêtement, c'est des problèmes que t'as pas, que tu connais pas, mais c'est passionnant. Il est très critique, on va dire, mais d'une bonne façon, hein, de sa profession et de la santé, comment elle fonctionne au Canada. Et je trouve qu'il a la rubrique la plus mignonne que t'entendras jamais dans un podcast. Honnêtement, si tu cherches à faire un truc mignon, ne cherche plus, ça a déjà été fait, tu seras toujours en dessous. C'est la rubrique du docteur Lily, et c'est plus mignon que ça, tu peux pas, quoi. Il est avec sa fille, et il lui pose des questions, je sais pas, quelle sorte de bandage existe? Alors, je sais pas, il y a le bandage de la sauterelle, je sais pas quoi. Et puis, ils parlent ensemble. Et c'est vrai que le fait que ce soit une petite fille qui parle québécois, c'est déjà super mignon. Et franchement, je me dis, si un jour je suis papa, j'aimerais bien faire ça avec ma fille parce qu'ils ont l'air de bien se marrer. C'est trop mignon, quoi. C'est le petit moment cute dans toute ma timeline de podcast, quoi. Effectivement, je ne connaissais pas cet angle-là de toi, mais c'est intéressant. Mais si, un peu de mignon, d'amour, c'est bien. Et si tu mets un extrait du Dr Lily, t'es obligé d'écouter le podcast après. D'accord, bien sûr que je vais mettre un extrait du Dr Lily. Et donc, Lobe Frontal, on écoute ça. Je mets un petit bout du podcast et puis un gros morceau de Lily. Ah ouais, il faut le mettre tout, tout, tout. Ok, ça marche. On écoute. Et maintenant, si vous le voulez bien, chers auditeurs, j'aimerais commenter une petite nouvelle de la semaine et en fait, ça va nous propulser dans le sujet d'aujourd'hui, le méchant mot grippe. Je pensais à ça, moi, dans l'épidémie. Tu sais, vous savez, cette année, l'épidémie de grippe a été pire que d'habitude parce que, justement, le vaccin n'était pas efficace. Fait que j'en ai vu de la grippe. J'en ai diagnostiqué en tabarouette. J'ai travaillé dans le maximum de la grippe. Et à la fin de la journée, ce que j'étais le plus tanné, c'est d'expliquer c'est quoi la grippe. Quand tu leur parles du rhume, eux, ils te parlent de la grippe. Quand tu leur parles de la grippe, ils pensent que tu leur parles du rhume. Ça fait du bien, des fois, de faire une montée de lait sur un sujet complètement inutile comme ça. On peut comprendre qu'il y a des problèmes pires que ça dans la vie à régler, mais ça me tentait un petit peu de vous parler de mon pas. Anyway, on va aller voir Dr Lily, elle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? On lui pose une colle aujourd'hui. Vite, appelez le Dr Lily. Ceci est clairement un cas de sarcoïdose. On commence avec un fou rire. C'est bon. Docteur Lily, bonjour. Allô? Allô? Là, t'as déjà le fou rire, ça va être le fun. Fait que je vais te nommer trois sortes de pansements, puis tu me diras lequel qui existe vraiment. Alors, tu peux soit te blesser, puis on te met l'attelle de grenouille. OK. Ou on te fait un bandage araignée. Ou le plâtre de l'arrêt. L'arrêt, l'animal. OK! Oui, parce que sinon, un plâtre de l'arrêt, ça peut amener certains problèmes lorsqu'on a des envies. Oui. Est-ce qu'on fait un plâtre de l'arrêt, une attelle de grenouille ou un pansement d'araignée? Je dis le d'araignée, là. Un pansement d'araignée? Ouais. Ça servirait à quoi, ça? Bonne question. Ce n'est pas la bonne réponse. OK. Ben, je veux dire le premier. Une attelle de grenouille. Ou une grenouille. On appelle ça une grenouille, c'est ça. Ça peut pas être pour les pieds, parce que c'est des plâtres pour les pieds. Ben, ça, c'est pour les fractures. Oui, c'est ça. Mais c'est effectivement un cas de fracture. C'est des fractures des doigts. Mais pourquoi grenouille? Ben, on va dehors, on ramasse une grenouille, on y ouvre la bouche, puis on la met sur ton doigt. Puis là, tu te promènes avec ta grenouille. J'espère que c'est pas vraiment ça, là. Tu m'y arrives. Oui. Non, c'est pas... C'est un bout de métal, droit, avec des petits bouts de métal sur les côtés, puis on le met sur le doigt, on le replie. Tu comme un... Avec la mousse bleue. Oui, c'est comme un quelque chose. Non! Bravo. Non, mais... C'est-tu comme... Si c'était comme un doigt plus gros en métal, en fait? Ben, ça ressemble un peu, mais en fait, c'est une bande de métal qu'on met à l'extérieur du doigt, mais il y a un petit coussin, là, pour pas que ça fasse mal, puis après ça, sur le côté, il y a des petites ailes qu'on plie pour que ça tienne en place. Fait que c'est comme... Mais on appelle ça une grenouille parce que quand elle est dépliée, ça fait comme une ligne avec des petites pattes de chaque côté. Je pense que j'ai une amie à l'école qui en a déjà vu une. Sûrement. Ben, je pense qu'elle avait une grenouille parce qu'elle avait pas deux doigts que elle en avait juste un doigt. Elle n'avait juste un doigt, c'est ça. Alors la telle grenouille, voilà. Le plâtre de l'arrêt, ça n'existe pas. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. Même si on est le matin? Ben oui, pourquoi? On peut pas souhaiter une fin de journée le matin. J'espère que le reste de ton après-midi va aller mal, puis qu'il va t'arriver des malheurs, c'est ça? Non! C'est juste parce que d'habitude, tu dis ça quand il est comme 6 heures, tu dis je te souhaite une... ou 4 heures, je te dis une bonne fin de journée, mais là, il nous reste comme un beau temps dans la journée. Ok, fait qu'on dit juste je te souhaite une bonne journée. Oui. Ok. Bye. Donc voilà, on a fini avec les petits trucs mignons de Jonathan. moi, je croyais qu'il faisait que regarder des petits chats sur YouTube, mais en fait, non. Quoi, c'est... Non, non, il les écoute aussi. Aussi. Oh, c'est trop chou. C'est... Non, mais franchement, c'est mignon. Ouais. Mais je savais que t'écoutais beaucoup de podcasts, mais quand même... Non, mais en vrai, j'en écoute beaucoup plus que ça. Hein. Ah ouais, mais non, mais t'as... Enfin, là, je t'ai dit même pas un tiers, tous les jours, quoi. Moi, il y a des jours où j'en écoute pas, quand même. Alors, pourquoi écouter autant de podcasts? Pas... Alors, moi, je te parle pas du tout du contenu, là. Pourquoi le podcast? Pourquoi pas la radio? Pourquoi pas... Est-ce que c'est pour avoir une présence, entre guillemets, avec toi? Est-ce qu'il y a un manque de quelque chose? Pourquoi est-ce que tu serais pas simplement dans le silence? Alors, pour le manque, etc., j'ai ma petite peluche de dinosaure jaune avec moi. Donc non, je n'ai pas besoin. Non, les gens vont penser que je suis fou. Non, c'est pas pour avoir une... En fait, tu parles le contenu, on s'en fout, mais non, justement pas. Je ne te parle pas du contenu, je te parle de... Pourquoi? Pourquoi avoir tout le temps du son dans tes oreilles? Pourquoi pas la radio? Ben, parce que la radio, c'est le truc qui n'est pas du tout optimisé, quoi. Je veux dire, chaque, je sais pas, 4 ou 5 minutes, t'as de la musique. J'en ai rien à foutre de la musique, ça m'intéresse pas. Si j'ai envie d'écouter la musique, j'écoute la mienne. J'écoute pas celle que quelqu'un d'autre a choisie, qu'il a probablement très mal choisie, parce qu'il l'a choisie pour tout le monde et pas pour moi. Et en plus, il y a des pubs, ça me gonfle. Donc, donc au fond, si tu veux, c'est aussi de l'optimisation. Si j'écoute une heure de podcast, j'écoute une heure de vrai contenu. J'écoute pas 10 minutes de vrai contenu, 25 minutes de musique et 15 minutes de publicité. Et si, de publicité. Si ça se trouve, faites le calcul. Peut-être que j'ai dit que ça durait 1h10 finalement. Mais ça me gonfle en fait, tout ça. Et le podcast, c'est vraiment de l'optimisation, quoi. Quand j'écoute un podcast en anglais, par exemple, non seulement j'apprends des choses, mais en plus de ça, je révise mon anglais. Donc, mon heure de train, c'est pas vraiment une heure de train, quoi. C'est une heure d'apprentissage. Ouais, ouais, d'accord. Non, ben, c'est très bien ta réponse. Merci. Elle rejoint un petit peu ce que je pense aussi du podcast, quoi. C'est épuré pour garder que le meilleur, quoi, en fait. C'est ça. On va s'arrêter là. Ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, on peut aussi faire un podcast ben, comme ça, quoi. C'était juste pour te dire que ça peut marcher aussi. Tu veux que je te dise un truc? Tu dis, il n'y a pas de structure. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a juste foutu une structure dessus depuis le début. Mais parce que tu veux toujours tout préparer et il y a des fois... J'ai rien préparé. J'ai sorti mon application Downcast. C'est tout. Mais parce que des fois, le feeling, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais non, parce que ce que je veux dire, c'est que même sans penser une structure au départ, t'as fini par en avoir une quand même. S'il te plaît, laisse-moi avoir raison. Non. Non, si, allez, t'es chiant. Tu sais qu'ils ont fait des expériences super sympas sur la peinture, par exemple. Tu vois des fois ces peintures où t'as l'impression que c'est giclé au hasard. Tu vas me parler d'art? Oui. Toi? Juste deux secondes. C'est... Avec moi. Oui. T'es vraiment que... sûr, là. Oui. Tu veux aller sur ce... Mais j'y connais rien. C'est pas grave. Non, mais juste pour dire que ils ont essayé, si tu veux, de faire de l'art vraiment au hasard. Ils ont eu des problèmes. Eh ben ouais, parce que c'est pas facile, en fait. Sans structure, c'est pas facile. Et peut-être même que sans structure, c'est tout simplement impossible. L'art est jamais fait au hasard. Non, mais même, ils ont essayé de faire de l'art au hasard, tu vois. Ils se sont dit, on va essayer de faire n'importe quoi. Le chat qui tombe sur un pot de peinture sans faire exprès, il est renversé. Non, mais que ce soit une action humaine, quand même, si tu veux. Mais et c'est pour ça que c'est pas si facile de faire quelque chose qui n'ait vraiment aucune structure. Oui, moi ce que je dis, c'est que on n'est pas obligé de toujours tout préparer. J'ai pas dit ça. D'accord. On est d'accord. Ouais. On fait pas le con. Je te laisse le point. Faire le con. Arrête. Bon. On se laisse sur ces belles paroles. On va dire au revoir à ceux qui nous ont écoutés. Au revoir les gens. Au revoir les gens. Si vous voulez retrouver Jonathan, je sais pas, est-ce que t'as envie qu'on te retrouve? Bah oui, vous allez discuter avec lui sur Twitter, c'est @voyagecast, c'est ça? C'est ça. Et puis pour moi, bah, c'est comme d'habitude, sur Twitter aussi, @kikrine, c'est bien ça. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi, si vous avez envie de me faire partager quelque chose. C'est vieux les mails. Oh, c'est bon, tais-toi. Je t'emmerde. Totalement. C'est une fille, un podcast tout attaché à gmail.com. Allez, salut à tous ceux qui nous écoutaient. À une prochaine fois. Ciao. À plus. T'as vu, hein, je laisse du blanc et tout. C'est voilà. Assez classe, hein. Hein ? Mais ça va être beaucoup plus compliqué à monter que celui qu'on vient de te faire tout à l'heure. Non, moi, je trouve le contraire. Les moi. Gens, ils ont écouté il y a 15 jours, mais qui ne savent pas qu'on vient de le faire juste après. Mm-hmm. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait que je me note d'apprendre à régler le volume entre tous les extraits et toutes nos voix. Je ne suis pas encore au point là-dessus. J'en écoute beaucoup. Allez. Plus de ça. Alors, les 24 c'est FPS. Pas grave, hein, c'est pas les 24 grave. FPS. Ah non, pas encore, mais si, hein, si. Film. Alors, eux, je les écoute. Non. Mais ils y vont pas toutes les semaines. Ils en font pas un toutes les semaines. Mais c'est pour ça que je te dis qu'après les jours de la semaine, ça joue plus comme truc et que je fais par ordre alphabétique. Faut suivre. On passe sur eux parce que ça va, quoi. Bon, ok, on coupe là, puis on se refait un troisième épisode sur. Je pense que du coup, là, non. La société. La société, elle a des problèmes. Non. Non, c'est horrible, mais... La mauvaise haleine. Ouais. C'est ça. T'as tout compris. voilà, qu'est-ce que tu voudrais que je te réponde à ça? Ah, tu voulais une réponse honnête. C'est honnête. Je dis pas que j'ai raison. Hein. Mais, Non. Non. Je dis pas que t'as tort. Je dis qu'on n'est pas du même avis. Non. Et c'est ça qui est... Et c'est toujours ça que je trouve très intéressant. Autant vraiment, j'adore être sur la même longueur d'onde que des gens avec qui je fréquente. Où tu sais que tu vas dire une phrase, il va la finir, tu vois. Tu vas partir sur un délire et elle va compléter. Direct, ouais. Voilà, des gens vraiment, qui vont penser, je veux dire, presque quasiment tout le temps comme toi. J'apprécie vraiment beaucoup parce que c'est un vrai moment de plaisir, mais en même temps j'ai envie de dire si tu es jamais avec des personnes qui d'un autre côté te montrent autre chose et c'est pas, ça veut pas dire que tu vas forcément changer d'avis et rejoindre la personne, mais juste te poser la question, tiens ça je l'aime pas mais apparemment lui il aime bien ça, elle aime bien ça. Alors peut-être qu'il faut que je... Peut-être que j'ai mal analysé le truc. Peut-être que c'est intéressant quand même. Tu sais, c'est comme un bouquin. Ça ne veut pas dire que je suis une girouette, hein, et que je pars sur n'importe quoi qu'on me conseille. Pas du tout. Hein. Mais c'est comme un bouquin. On te donne un... Tu vas dans une bibliothèque, dans une librairie, n'importe quoi. Tu vas acheter un bouquin qui te tente. Mais tu vas toujours prendre quelque chose qui va te plaire. Tu vas rarement aller sur un chemin de quelque chose qui te parle pas à la base. Alors que quand t'as quelqu'un qui vient et qui dit, attends, j'ai lu ça, c'est vraiment génial. Et tu fais, ah, c'est bon, les romans historiques, non merci, quoi. C'est bon, c'est pas mon kiff. Et puis elle te dit, mais si, si, vraiment. Moi, j'ai adoré, je l'ai pris de la première page à la dernière page, j'ai même pas fait de pause tellement c'était bien. Et ben là, en fait, tu revois le truc en disant, attends, si une personne intelligente a trouvé ça bien, peut-être que j'ai un mauvais a priori. Donc, je vais essayer. Et peut-être que je vais trouver ça nul. Mais au moins, j'aurai essayé. Et donc, du coup, voilà. Tout ça pour dire que c'est ça que je retrouve avec toi. Merci, Jonathan. Mais je t'en prie. Je vais à fond dans ton sens là-dessus. Et du coup, c'est dommage parce qu'on est d'accord sur le principe que c'est bien de ne pas être d'accord. Mais, par exemple, c'est pour ça que j'aime bien le voyage, notamment. C'est parce que, justement, tu te confrontes, alors, notamment à des autres cultures aussi, mais à des gens qui n'ont pas la même vie que toi, qui ne connaissent pas la même chose, qui n'ont pas les mêmes bases, etc. Et du coup, ça te remet en cause toi-même. Si t'es voulu tout le temps dans la même société, tu vas jamais te poser des questions sur certaines choses que tu fais tous les jours, par exemple. Alors, si tu vas ailleurs, tu vas te poser ces questions. Et moi, je trouve beaucoup plus intéressant d'être avec des gens avec qui t'es pas toujours d'accord, ou il y a des trucs où t'es vraiment différent, parce que c'est vraiment là que ça t'apporte quelque chose, quoi. Quelqu'un qui est d'accord avec toi, il va juste dire, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est valorisant, et c'est agréable. Ouais. Mais t'es voulu pas. Ben, pas aussi vite que tu pourrais le faire autrement. C'est ça. Une fille et un podcast tout attaché, c'est... Une fille, un podcast tout attaché. Étrange comme pratique, mais pourquoi pas. Non, mais n'importe quoi. Une fille, un podcast tout attaché. Ouais, bon, ça va encore, hein. Je sais pas. Comment je pourrais dire ça autrement? Je trouve ça magnifique, il faut laisser ça comme ça. Non, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis à chaque fois que je le dis, quoi. Ouais. Ah, comment je pourrais dire autrement? Ah, ça va encore, non? Ça, j'ai rien dit. Oh, mais il n'y a rien de mal, si tu veux, tu t'attaches à ce que tu veux, hein, franchement. Allez, salut à tous ceux qui nous écoutaient. À une prochaine fois. Ciao. À plus. Une fille, un podcast tout attaché. C'était trop beau, j'étais obligé.